glory, glory, glory, glory hole. Glory, glory, glory hole. Glory hole, glory, glory hole, glory, glory, glory, glory hole. Mais qu'est-ce que c'est que ce glory hole? C'est un petit trou dans le mur dans lequel tu ne passes pas ta main, c'est sûr. Mais ta bite quand elle est dure. La pine, ah non, là c'est du démon, gars.